بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وكل ضلالة في النار. normalement on ne rajoute pas parce qu'elle a pas de racine à la base. En même temps il le c'est dit parce que ça va dans le sens en fait. كل بدعة ضلالة. Donc toute bid'a est un égarement, mais tout égarement n'est pas forcément voué à l'enfer. Enfin, il y a des degrés d'égarement. Il y a de l'égarement dans la mécréance, dans le shirk, dans les désobéissances, dans les péchés, ainsi de suite. Donc c'est pas tout égarement, parce que parmi les péchés, la condition des petits péchés, enfin des péchés qui sont en dessous de shirk et du kufr, ils sont à condition qu'Allah, ils sont comme disent les savants, à la mashiatillah, c'est-à-dire c'est si Allah il veut il te pardonne, comme il veut il te châtie. C'est-à-dire que c'est pas sûr que celui qui commet les grands péchés ou les péchés il sera pas pardonné, parce qu'il y a un verset où Allah il dit inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Donc Allah il dit dans un verset, Allah n'accepte pas ou ne pardonne pas à quiconque lui donne un associé, et en dessous de ça, c'est-à-dire celui qui a respecté ça, il pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que c'est après, c'est lui qui décide. Oui ou non. Bien sûr, il y en a qui méritent, il y en a qui ne méritent pas, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est par rapport à cette dua. Je l'ai dit parce que, de peur de m'arrêter, vous allez peut-être pas comprendre. Vous allez dire, mais attends, il n'a pas fini. Ou, et normalement, c'est dans la latine finar, alors que ça n'a aucune source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hadith authentique sur ça. Donc on va commencer le livre Kitab al-Adhkar. Pardon. Donc ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pour les nouveaux. S'il y a des nouvelles personnes. Et bon, pour les nouvelles personnes, c'est quoi? C'est les trois thèmes. Kitab al-Adhkar, on peut mettre ça sur le côté spirituel et comprendre un peu le pourquoi du comment de ce qu'on fait, de nos vocations, de nos prières, ainsi de suite. Donc d'avoir une explication ou que ça soit explicite pour nous ce qu'on fait, c'est-à-dire d'un point de vue formule, d'un point de vue action, d'un point de vue voilà. Et après on a aussi un livre de le domaine de fiqh, parce que même ce livre là qui est Kitab al-Adhkar, si Allah il nous facilite, on arrive à le finir, Allahumma barik. Et il y a d'autres livres dans le domaine, sinon on continuera jusqu'à peut-être Ramadan, hein, c'est pas très dans pas longtemps, subhanallah, à peu près 4 mois et quelques, hein. Et après sur le dogme, enfin, le dogme, on fait généralement plein d'épîtres. Donc là on avait déjà fait Qawaid al-Arba'a, on avait, il me semble, déjà fait Usul al-Thalatha. Nawaqid al-Islam, on l'avait fait, ou en partie, ou on n'avait pas fini. Donc là, on est revenu sur les trois fondements, et on va bientôt arriver à la fin, Inch'Allah. Et je pense, après, on va faire Nawaqid al-Islam, je pense. Wallahu a'lam, on verra. Et ensuite, normalement, il y a un livre de fiqh qui s'appelle Umdat al-Ahkam. Umdatul Ahkam, mais enfin c'est pas vraiment du fiqh, on appelle ça des hadith ahkam. C'est des hadiths où il y a des règles juridiques, où il y a des fondements dans la jurisprudence islamique. Par contre, j'ai proposé, vu que c'est un projet, j'essaie de trouver en fait ce qu'on a besoin dans l'instant présent, enfin par rapport à nous. Demain, si on veut partir, au moins que nos invocations, c'est quel sens elles ont. Que notre prière elle est plus ou moins conforme, et que nos adorations pareil. Donc c'est pour ça que ça va rester sur des choses qui nous sont profitables. C'est pour ça que le groupe s'appelle la science utile. La science utile à ta vie de tous les jours, tes actions, tes paroles, ton comportement, et ainsi de suite. وفقنا الله وإياكم لمن يحبه ويرضى آمين. Alors, on s'était arrêté Inch'Allah, j'essaierai de faire avec le temps, si Allah il nous permet, hein, une introduction, parce que c'est vrai que l'introduction, franchement, du Cheikh, on avait passé pas mal de cours, je sais pas si vous vous rappelez, elle était très profitable, il y avait pas mal d'enseignements, et c'est pour ça que dans mon profil, j'avais mis un Barakatu Ilm al-Khalaf, la science, la bénédiction, ou la préférence de la science des anciens à la science des nouveaux, enfin des sciences des gens contemporains, parce qu'ils avaient une aptitude et une capacité à comprendre, on va dire, rapidement l'objectif de chaque individu, de chaque musulman, ainsi de suite, et c'est des livres, voilà, machallah, il regorge beaucoup de sciences, et en fait il y a tout dedans, il y a de la science du hadith, il y a de la science, il y a du tafsir, il y a ilm al-rijal, il y a du nahou aussi un peu dedans, bon, pour celui qui connaît, comment ça s'appelle, il y a aussi de la croyance dedans, bref, donc, on avait fait quelques chapitres. Le dernier chapitre qu'on avait vu, c'était Babu yaqulu idha arada sabba ma'an al-wudu'i aw istisqa. Non, on l'avait pas fait celui-là. Ah oui, on l'a pas fait. Donc, le dernier sujet qu'on avait fait, alors la semaine dernière, pardon, la semaine dernière, mercredi, non, jeudi plutôt, oui, jeudi. C'était Babu ma yaqulu idha kharaja min al-khala. Le sujet, c'était l'invocation à dire en sortant des toilettes. Si, c'est celle-là. En fait, il y avait deux versions, en fait. Il y avait la première version où il disait yaqulu ghufranak. Et après, on avait lu un autre hadith où il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait bismillah, ghufranak ya rab, ou ghufranak avec une autre invocation. Ou alhamdulillah illadhi, oui. Alhamdulillah illadhi أذاقني لذته. Louange à Allah qui m'a fait goûter ses bienfaits, ou ses, oui, ses bienfaits. Après, وأبقى فيا قوته, qui m'a gardé sa force, enfin la force qu'il m'a donnée. ودفع عني أذاءه, et qu'il a repoussé en moi le mal. Babou, donc là, normal. Désolé, hein, excusez-moi. En fait, il y avait juste une petite correction que je voulais faire. Donc, là, le sujet, c'est Babu ma yaqulu ala wudu'ihi. On avait regardé le sujet, qu'est-ce qu'on doit dire quand on fait nos ablutions. Bah, quand on fait nos ablutions, l'invocation à dire ala wudu'ihi, quand on a les ablutions. Yustahabbu ay yaqula fi awwalihi bismillahi ar-rahman ar-rahim. On l'avait fait, ouais, effectivement. Donc il est recommandé de dire bismillah ar-rahman ar-rahim wa in qala bismillah kafa, et s'il dit bismillah ça suffit, c'est-à-dire que dans les ablutions ou quand on va aller faire nos ablutions, on doit dire bismillah ar-rahman ar-rahim, et si on dit bismillah ça suffit. Donc je vais pas rentrer sur la suite, et ensuite on a vu, on va voir le hadith, parce que là, en fait, comme j'ai dit, à chaque chapitre, l'imam al-Nawawi, il va donner l'avis des quatre écoles, ou du moins l'avis des écoles répondues dans ces sujets-là. Et ensuite, il va citer les hadiths. À savoir que l'imam al-Nawawi, c'est un muhadith. Un muhadith, c'est un savant de la science du hadith. D'accord? Donc, حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود وغيره وروينا bon, on va traduire d'abord. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, ce hadith là est hadith Hassan, c'est-à-dire c'est un hadith authentique. Quand on dit authentique, Hassan, c'est-à-dire il est bon. Hassan, il n'est pas authentique, excusez-moi. Il peut être Hassanun Sahih, bon, authentique. Mais là, il est bon, c'est tout. Hadith Hassan. Akhrajahu Tirmidhi. Il a été rapporté par l'imam Tirmidhi. Ou Akhrajahu Abu Daoud aussi, ou Ibn Majah. وقال الترمذي قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسنادا جيد. ونقل العلماء العلامة أحمد شاكر عن الحافظ ابن حجر أن مجموع طرق الحديث وروايته يحدث منه قوة تدل على أن له أصلا. والحديث حسن Je vais pas vous lire. Je crois que vous allez faire un tour sur vous-même et vous n'allez plus savoir où vous êtes. Donc c'est plus de la science du hadith, parce que on avait vu une parole un peu plus haut que l'imam Ahmed. Il disait quoi ? Il disait que c'est un savant du hadith. Je sais pas si vous vous rappelez, l'imam Ahmed, il fait partie desquels ? D'une école ou pas ? Donc l'imam Ahmed, oui effectivement, c'était un des savants des quatre écoles, et je ne veux pas dire le dernier. Oui, effectivement, c'était le professeur de l'imam al-Bukhari. Et c'était un savant du hadith, l'imam Ahmed, un grand savant du hadith. D'ailleurs, il a un livre qui s'appelle Al-Musnad de l'imam Ahmed. Et donc, ce livre, donc l'imam Ahmed, en fait, juste un peu plus haut, l'avis de l'imam al-Nawawi, ce qu'il a pris. Il a dit que l'imam Ahmed, en fait, il a dit, hein, c'est une parole qu'il a été tirée de l'imam Ahmed, il a dit « La a'lamu fi tasmiyati fil wudu'i hadithan thabitan famin al-ahadith » Donc il a dit je n'ai jamais entendu parler de dire la basmala ou de dire tasmiya. En fait, tasmiya, ça veut dire de nommer la chose. Tasmiya, tu sammi shay, tu mentionnes une chose. Tasmiya tu shay fi al-udu, dans les ablutions, c'est-à-dire dans le chapitre des ablutions, l'imam Ahmed, il dit, je n'ai jamais entendu un hadith thabitan. Thabitan, c'est-à-dire authentique, c'est-à-dire qu'il est thabit, il est ferme, il est authentifié par la majorité, quoi. Il a dit, j'ai jamais entendu. Et c'est pour ça que là, dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit le professeur Sam dans le hadith qu'on a cité de Abu Huraira? Et ce hadith, je voulais lire, c'est un hadith Hassan. Il a été rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah. Et Tirmidhi, وقال Tirmidhi, il rapporte la parole de l'imam Ahmed. قال Ahmed ibn Hanbal, la a'lamu fi hada al-bab hadithan lahu isnad jayyid. Je connais pas dans ce hadith une chaîne bonne. C'est-à-dire dans ce hadith-là qui a été rapporté, concernant le fait de faire, il dit, je ne vois pas de chaîne de transmission, c'est-à-dire que les rapporteurs de ce hadith-là, pour moi, ils sont pas fiables. Par contre, peut-être que chez un autre, oui. Encore une fois, on est dans la science du hadith, ou dans la science des autres domaines, il y a des divergences, en fonction des degrés, en fonction des connaissances, en fonction des avis qu'ils ont entre les mains des hadiths, et en fonction de leurs écoles aussi, dans leur madahib. Parce que chaque école ont des fondements dans l'approche des hadiths, dans l'approche du fiqh, dans l'approche de, même dans la langue arabe, t'as deux écoles, qui est le koufiyin, les gens de Koufa, et le basriyin, et les gens de Basora. Mais bon, je vais pas rentrer dans cette divergence. Alors, donc il a dit, je n'ai pas entendu parler de nommer quand tu veux faire les ablutions. Par contre, ce hadith-là, quand on regarde, il a été rapporté par donc trois savants du hadith aussi qui sont connus et reconnus. Et il dit en le hadith la wudu a liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Il n'y a pas d'ablution. Donc ça c'est un hadith de qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'ablution, ou du moins dans le sens pas de l'ablution n'est pas valide pour celui qui ne mentionne pas. D'accord. Lam yadhkur ismallahi alayhi. Rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud. Wa rawayna fi ar-riwayat as-Sa'id ibn Zayd wa Abi Sa'id wa Aisha wa Anas ibn Malik wa Sahl ibn Sa'id radiyallahu anhuma rawaynaha kullaha fi Sunan al-Bayhaqi wa ghayruhu wa da'afaha kullaha al-Bayhaqi wa ghayruhu. Donc voilà, bon, là on sait pas trop. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne vais pas rentrer parce que c'est dans la science du hadith. Ça va quand même vous embrouiller. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est clair que c'est, ça te permet de comprendre un peu mieux, justement, les livres de hadith, que c'est pas parce qu'il y en a un qui l'a rapporté qui dit qu'il est authentique qu'il est authentique. Peut-être que lui, selon les critères qu'il a mentionnés, c'est authentique, mais peut-être selon un autre savant, ils n'ont pas tous les mêmes critères, en fait, les savants. Ça va dépendre des écoles. L'imam al-Bukhari, il a des critères. L'imam Muslim, il a des critères. L'imam Ahmed, il avait des critères. L'imam Malik aussi, pareil, il rapportait des hadiths. Il avait des critères. Donc en fait, c'est pas parce qu'il ne l'a pas rapporté qu'il est, il est pas authentique ou qu'il n'existe pas ou qu'il n'a pas de, il a pas de source ou ainsi de suite. Par contre, il peut y avoir des divergences dans la chaîne de transmission. Après, c'est une science, elle est intéressante, mais c'est comme les mathématiques. La science du hadith, c'est comme les mathématiques. Donc parce qu'en fait là, il est rapporté comme quoi le hadith, malgré tout, il y a des gens qui l'ont authentifié, il y a des gens qui l'ont pas. Bon, l'avis général, c'est qu'il faut le dire. On va voir un autre hadith. Faslu, قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتاح نصر المقدسي الزاهد يستحب للمتوضي أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية. Donc là, il a été rapporté que parmi les savants du hadith, parmi quand ils disent ashabina, vous savez quand ils disent, surtout quand on parle de l'imam al-Nawawi, s'il dit qala ba'd ashabina, c'est-à-dire parmi nos corrélationnaires ou nos collègues dans la science du hadith, c'est-à-dire parmi les gens de science dans la science du hadith, d'autres ont rapporté cet avis-là. C'est-à-dire que le cheikh Abu al-Fattah Nasr al-Maqdisi al-Zahid a dit يستحب للمتوضي, il est préférable, il est recommandé pour celui qui va accomplir ses ablutions, si ابتدائي وضوءه بعد التسمية, au moment il a fait les ablutions après avoir nommé. Donc il est au courant du hadith et lui il est plus ou moins de cet avis là qu'il faut nommer, de le dire اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا الذي قاله لا باس به. Donc c'est ce qu'il a dit et il est bon son avis. Ça c'est l'imam an-Nawawi en fait qui fait des commentaires après. إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به والله أعلم. Donc il a dit ça c'est son avis. Sauf que on n'a aucun, c'est ce qu'il dit l'imam an-Nawawi, on n'a aucun la asla lahu, il n'a aucun fondement min jihati sunna, d'un point de vue sunna, c'est-à-dire d'un point de vue dans la sunna, il n'a pas un avis vraiment probant. Wala na'lamu ahadan min ashabina wa ghayrihim qala bihi. Et on ne connaît pas des gens, parmi nous ou parmi nos co-religionnaires, mentionner ça, dire ceci. Après, il dit wallahu a'lam. Donc, on voit bien que malgré tout, l'avis est divergent. Il y en a qui disent qu'il... Pourtant, est-ce que il est pratiqué dans l'absolu chez les gens? Oui. Il est pratiqué. Tout le monde dit bismillah. Et c'est ce qu'ils disent eux aussi. Yustahab. Il est préférable. Recommandé. Il n'est pas en train de dire que c'est obligatoire. Ou comme par rapport au hadith où il est cité la urdu a. Pas d'ablution, celui qui dit pas bismillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même une responsabilité, c'est lourd. C'est-à-dire que si t'as oublié de dire bismillah, ça veut dire que tes ablutions sont nulles. Ça veut dire qu'il faut que tu les refasses. Donc, tu vois la lourdeur. Donc, du coup, cet avis-là, il n'est pas vraiment, il n'a pas une chaîne de transmission authentique. Walhamdulillah, pour nous. Voilà. Après, il a dit que le cheikh, donc entre autres, et après on a même l'avis au début où il est mentionné. Je crois qu'on va continuer parce que apparemment ce chapitre-là il est long. Donc il a dit par contre l'attestation ou du moins le fait de faire le shahada après, ça c'est connu et c'est ce qui se faisait, et c'est ce qui est connu et reconnu chez les gens. Chez les gens, c'est-à-dire les gens de leur manhab. Donc par contre, on voit très bien que il y a cette forte recommandation de dire quand même bismillah, le minimum. Après tu peux dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Et après le mieux comme on avait vu dans la sunna, c'est bien de faire les deux. De dire une fois bismillah ar-rahman ar-rahim, une autre fois tu dis bismillah, comme ça tu jongles un peu avec toutes tes hadiths et tu vis avec ces hadiths là et tu les fais revivre. Comme disaient certains savants de la sunna, ils disaient quoi? Ils disaient celui qui revivifie une sunna, Allah, il détruit une bid'a que Shaytan il a créée. Et l'inverse, celui qui revivifie une bid'a, malheureusement, ou du moins qui lui donne, il lui donne vie en la transmettant, en la pratiquant, ainsi de suite, eh ben, il y a une sunna qui disparaît. Bon, c'est des avis, attention, c'est des paroles après de gens de science. C'est toutes ces paroles, en fait, faut garder une chose en tête. Les paroles, ce sont des paroles. Mais la parole d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont catégoriques. Ça veut dire un avis d'un savant, respectueux soit-il, ainsi de suite. On peut prendre en compte, on peut écouter, on peut être même d'avis. Enfin, mais t'as le droit de, si c'est pas un avis catégorique, ça touche pas le dogme, ça touche pas un fondement dans ta religion, tu peux accepter comme tu peux ne pas accepter. C'est pas ton Dieu, c'est pas ton prophète, c'est pas... C'est un savant, certes, mais il y a des limites et on a des erreurs. À la preuve, on voit très bien que les gens les plus calés, ils étaient déjà en divergence à l'époque. Hein. Que dire d'aujourd'hui, alors que là, c'est pas de la science. Aujourd'hui, c'est de l'ignorance sous couvert. En fait, c'est comme si aujourd'hui, c'est l'ignorance qui domine et il y a une légère couche de science que les gens essayent de donner. Mais au fond, ils sont ignorants. Hein. Ils baignent dans l'ignorance. C'est des sujets qu'on n'a jamais entendu parler de leur part. Pourtant, c'est accessible. Faslou, c'est-à-dire qu'on va passer sur un autre point. C'est pas le même, c'est le même chapitre, mais un autre point. ويقول بعض الفراغ من الوضوء. Oui, et la majorité de, enfin, ceux qui ont fini de faire leurs fois que tu as fini les ablutions, c'est de faire la shahada. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ensuite on dit Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc ça c'est une invocation à faire. Après vous n'êtes pas obligé de marquer les invocations parce que les invocations finalement vous les avez dans la citadelle et ainsi de suite. Par contre c'est les petites argumentations, les petits points que j'essaie de mentionner ou de vous partager qu'il faut marquer. Ou des fois certains sujets que j'ai pas qui concernent pas l'invocation. Maintenant l'invocation en elle-même vous la trouvez dans la citadelle du musulman. Donc là on voit très bien l'importance de ce hadith et surtout qu'il est donc oui là en fait il a donc cité l'invocation et là on va voir maintenant les hadiths qui sont rattachés à cette invocation là où il s'est mentionné quoi. Alors روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc c'est important, je ne sais pas si vous le faites ou pas. Pourquoi en fait ce livre il est important? C'est pour comprendre que finalement le but de nos adorations, le sens de nos adorations, la récompense de nos adorations et tout ça doit nous permettre en fait d'essayer d'être un peu plus assidu, rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes et de le transmettre aussi. Le mal se transmet de la même manière. ils ont trouvé des personnes qui font le travail. Et nous, malheureusement, voilà, même au sein de notre famille, on ne le fait pas. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos oncles, nos tantes, alors que c'est pas compliqué. C'est une chose que normalement on devrait faire. Et la majorité, est-ce qu'on le fait? Non, je pense pas. Normalement, tu le fais juste après tes ablutions, tu lèves ton doigt et tu fais cette invocation-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyuha sha'. Donc, celui qui dit ça, il se verra, ou du moins les portes du paradis lui sont ouvertes. Thamaniyatu, les 8 portes. Thamaniyatu. Thamaniyatu. De n'importe quelle porte qu'il veut. Donc, subhanallah. Voilà à côté de quoi on passe, en fait, tout le temps. Et en fait, pourquoi on néglige les adorations? Bien sûr, il y a les shayatines. Parce qu'attention, les shayatines, leur but, c'est quoi? C'est de te perturber, de te mettre plein d'informations et de surenchérir au niveau des informations. Pourquoi? En fait, pour que tu perdes le fil et que tu perdes ces informations. Qui sont finalement al-hablul matin, c'est la corde qui ne peut se briser. Donc, et le rappel, il sert à ça, comme eux, ils font le rappel. C'est même pas le rappel, ils nous cassent la tête, les shayatines, avec les waswas du matin jusqu'au soir, comme Allah dit, bal makru al-layl wa an-nahar, mais vous complotiez contre nous matin et soir. Donc c'est pour ça qu'Allah il nous dit rappel, car le rappel profite aux croyants. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Par exemple, là, on a fait le cours. Vous allez voir tout à l'heure. C'est pas pour vous tester ou quoi. On va se lever. On va devoir faire peut-être nos ablutions pour aller. On va même pas la faire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, malheureusement, le rappel de Shaitan, d'Iblis et de ceux qui le suivent est plus important que le rappel d'Allah dans notre vie. On a juste à regarder combien de fois on ouvre notre livre. On essaie d'écouter des choses profitables et bénéfiques. Qui ont un lien dans notre vie de tous les jours. On parle pas des sciences les sciences de l'héritage, la science du, c'est pas des choses qui vont, les règles de, bref, il y a des choses qui ne sont pas utiles qui sont pas utiles dans ta vie de tous les jours. Tandis que là, c'est utile. C'est pour ça qu'on a essayé de sélectionner en fait des thèmes et des livres qui sont cohérents, enfin qui sont en accord avec notre vie, notre rythme de vie. Donc, Futihat lahu abwab al-jannah rawahu Muslim fi sahihi. C'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Rawahu at-Tirmidhi wa zada fihi. Et il a été aussi rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Mais il a rajouté, l'imam al-Tirmidhi, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Donc l'imam al-Tirmidhi, c'est lui qui a rajouté cette partie-là. Sinon la partie qu'on vient de citer juste avant et que tout le monde connaît, parce que cette deuxième partie, malheureusement, on ne la dit pas. Et subhanallah, vous allez voir les bienfaits qu'elle renferme. Même si, après, comme on a dit, il peut y avoir des avis qui sont un peu divergents, mais ça c'est un verset. En fait, il y a un verset que Allah il parle de ça. Donc, rawahu at-Tirmidhi subhanaka lahumma wa bihamdik ila akhirih an-Nasa'i fi al-yawm wa al-layla wa ghayruhu bi isnadin da'if. Il a été aussi rapporté par l'imam an-Nasa'i dans le chapitre de fi al-yawm wa al-layla, le jour et la nuit, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché au jour et à la nuit, bi isnadin da'if, avec une chaîne de transmission faible. Et on va voir donc l'authenticité, ou du moins le degré de ce hadith. Le degré de ce hadith, c'est أخرجه الترمذي وقال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء وتعقبه العلامة أحمد شاكر في تخريجه للسنن وقال وأصل الحديث صحيح مستقيم الإسناد وأطال في بيان ذلك فليراجعه من يشاء. Bon, je vous le rends concis. Cette partie-là, elle a été rapportée par l'imam Tirmidhi et l'imam An-Nasa'i Par contre, l'imam Nasa'i, il l'a rapporté avec une chaîne de transmission faible, et l'imam Tirmidhi, il l'a rapporté avec une chaîne de transmission où il y a des choses bizarres dedans, en fait. Il y a des choses comme des inconnus, ou des gens, où il y a une partie où on ne sait pas qui il est, on le confond avec un autre, donc c'est pas, elle n'est pas claire. Mais, il dit ensuite, il dit, la yasrih anin nabi, il n'a pas de il n'a pas de valeur authentique auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après il y a le savant justement subhanallah, ah ben c'est lui, c'est celui qu'on est en train de faire, Ahmed Shakir. Il y a Ahmed Shakir, c'est un égyptien, Ahmed Mahmoud Shakir rahimahullah, c'est pas un contemporain, c'est un ancien. Contemporain, mais il est mort, rahimahullah. Enfin, pas très très contemporain, mais voilà. Et il a dit que, bon, lui c'est un savant aussi du hadith, dans la science du hadith, et il a dit, fi takhrijihi li sunani, dans l'authentification des sunan, il a dit, wa asl al hadith sahih, la base du hadith est authentique, mustaqim al isnad, et avec une chaîne de transmission assez stable. Ou à part la fille, donc après il a dit, celui qui veut s'approfondir, il a des livres des gens de science sur la science du hadith, bien sûr, à ce sujet-là. On va essayer de continuer encore un peu et après on va s'arrêter pour parce que là le chapitre de l'Obo, il est quand même on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là, Inch'Allah, on va faire un autre. On va faire le fiqh, l'aqida, Inch'Allah ta'ala. Après, bon, il nous reste quoi? Deux hadiths, et on va passer au prochain chapitre qui est Babu ma yaqulu ala irtisalihi. Quand on doit faire les grandes ablutions. Qu'est-ce qu'on doit dire au moment de faire nos grandes ablutions? Voilà. Donc, on passe au prochain, Inch'Allah, livre, bi'idnillah ta'ala. Après, à savoir que les livres, c'est pas obligatoire de les avoir. C'est mieux pour celui qui veut suivre, pour celui qui veut se faire sa bibliothèque, pour celui qui veut, avoir des bonnes bases et pouvoir poursuivre. Donc, ce livre-là, malheureusement, il n'est pas traduit, contrairement aux autres. Les trois fondements, les quatre règles, les actes annulatifs de l'islam, le dévoilement des ambiguïtés, usul al-sitta, les trois fondements, usul al-iman, les fondements de la foi, et ainsi de suite. Inch'Allah est facile, vu que c'est des petits épîtres, on essaiera de les faire au fur et à mesure. Et ce livre-là, apprenez l'arabe, Inch'Allah. Alors, on reprend Kitab usul al-thalatha, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc dans les trois fondements on arrive presque à la fin. On a vu plein de choses. Après Inch'Allah c'est un livre incontournable, donc on va sûrement le refaire. De toute façon on laissera après le choix. Le but c'est que vous essayez de vous aussi partager entre vous, de vous conseiller, de prendre conseil aussi. Le but c'est aussi d'apprendre à se connaître, hein. C'est ce qu'Allah a dit qui nous a créé afin qu'on se connaisse ou qu'on fasse connaissance, et ainsi de suite. Et encore à plus forte raison au jour d'aujourd'hui, on voit que la communauté est éparpillée, dispersée, elle est c'est de l'individualisme, de l'égoïsme, on fait semblant de pas voir les gens dans le besoin, les gens dans le truc, et on trace notre route, malheureusement, en faisant comme ça. Faut pas oublier qu'une chose, c'est que ça va nous arriver un jour, on sera dans la même situation, et il y a des gens qui vont pareil, vont tracer leur route. Eh oui. Il n'y a rien sans rien. Donc on avait vu le sujet sur sur l'origine des prophètes. Pas l'origine. C'est-à-dire l'origine du message ou la source commune ou le point commun de tous les prophètes, c'était quoi? On a posé déjà la question, plus ou moins les gens ils ont répondu, alhamdoulilah, les frères et sœurs, enfin, les frères. Là, alhamdoulilah, il y a un frère qui fait honneur, mais sinon, les frères, on sait pas où ils sont. Allez, on va continuer. Donc, la question, c'était l'objectif général des prophètes, c'est quoi? Ce sont des annonciateurs et des avertisseurs. chaque prophète, on le trouve souvent dans plein de versets. On a cité des versets, là c'est pour ceux qui sont venus en cours, parce qu'il y a des nouveaux, Inch'Allah, Alhamdulillah, Al-Halan wa Sahlan, encore une fois, et Marhaban Bikum, et Taqabbal Allahu Minna wa Minkum, Fatah Allahu Alayna wa Alaykum, Amin. Et donc, Rasoul Mubashirin wa Mundirin, donc l'objectif c'est d'annoncer et d'avertir. Et tous les prophètes sont venus avec ce message, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad salawatu rabbihi alayhi wa sallam. Et on a vu quelques preuves sur le message de Nuh alayhi salam, pas son message mais du fait que c'est un prophète et le premier des prophètes, comme justement il a été mentionné, ce qui est connu, et même s'il y a, comme j'ai dit, des divergences, en tous les cas, il y a plus ou moins la majorité qui disent que c'est Nuh alayhi salam, le premier des prophètes, comme cité dans le surat An-Nisa, surat 4, Allah il dit, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyya min ba'di. Et comme il t'a été révélé à toi, comme il a été révélé à Nuh, et les prophètes qui sont venus après, pas avant, comme c'est ce que c'est dans un autre verset là il dit quand dans d'autres versets, j'ai pas le verset en tête, hein, désolé. Alors là il parle de quand il envoie quand il a révélé aux prophètes et qu'il a révélé avant lui, donc pas après. Et là Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ce qui lui a révélé à lui et ceux à qui il a révélé après ceux qui sont venus après lui. D'accord? C'est pour ça que le verset dit Inna arsalna, inna awhayna, nous t'avons révélé, ou nous t'avons inspiré, parce que le wahi, ça dépend le sens. Nous t'avons révélé à toi comme il a été révélé à Nuh et les prophètes qui sont venus après eux. Mim ba'dihi. فذكر الله في هذه الآيات الأول الرسول وآخرهم. Donc dans ce verset Allah il a cité le premier des prophètes et leur dernier. Inna awhayna ilayk. Inna awhayna ilayk, c'est le dernier prophète. Al-khitab li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhiruhum. Une autre chose. Bon, faut pas oublier de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas timidement. Mais il faut le faire vraiment. Faut prier sur le prophète sans. Et pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est un bienfait pour nous. On ne mesure pas c'est-à-dire le privilège qu'on va avoir à travers le fait de le prier sur lui. Le prophète sans il a dit malheur à l'avare. On l'a dit, mais les compagnons nous dit, mais qui c'est l'avare? Il dit, c'est celui qui entend mon nom et qui ne prie pas sur moi. Donc, il a dit, malheur à l'avare. C'est pas n'importe quoi, quand même. Malheur, ça veut dire qu'Allah, il... Adam, du coup, c'est pas un prophète. Il y a divergence, c'est pour ça que je vais pas rentrer dans cette divergence, parce que c'est pas l'objectif du cours. L'objectif du cours, c'est plus de comprendre que là, c'est de voir en fait les trois fondements globalement et d'avoir des notions basiques sur chaque domaine. Et après, si à relecture dans ces sujets-là, il y a d'autres livres, on va essayer d'être un peu plus en profondeur et ils vont pas forcément parler de cette divergence. Mais il y a une divergence en fait. Et aussi autre chose, ce qu'il faut savoir, que quand on prie sur le prophète, vous savez ce qui se passe, c'est que le prophète Sam il a dit, ceux qui prient sur moi, Allah, priez sur moi, car quand vous priez sur moi, Allah fait en sorte que il redonne mon vie à mon âme, à mon corps, c'est-à-dire qu'il lui redonne vie pour qu'il nous rende le salam. Subhanallah. Donc, à chaque fois qu'on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme maintenant, et ben Allah il lui redonne son âme, qui lui transmet notre salam, et qui lui aussi, à son tour, nous transmet son salam. Donc comment on peut être négligent et ainsi de suite vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'est pas avec nous? Franchement, c'est quand même ingrat de notre part. Et tout en sachant que notre réussite elle n'est pas à travers lui, enfin elle n'est pas en lui, mais elle est à travers lui, et ça va être l'intercesseur. Donc, Inch'Allah, essayez de faire un effort, essayez de transmettre, c'est quelque chose de très très facile, et c'est comme ça qu'on éduque et qu'on s'éduque. Alors, كما أرسلنا إلى نوح إذن كم إليه تغفل أنوح وآخرهم كما أوحينا إلى نوح وهم أو وهو أولهم كم إليه تغفل أنوح il fait partie des premiers. فجمع الله في هذه الآيات بين الطرف سلسلة الرسل. Donc Allah dans cette chaîne, en fait dans cette فجمع الله في هذه الآية, dans ce verset Allah il a révélé, il a montré en fait la chaîne de la prophétie, en fait, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a des prophètes, attention, on n'a pas tous les prophètes dans le Coran et dans la Sunna. Ça veut dire, on en a déjà dans le Coran, on en a peut-être même pas une cinquantaine, même pas une vingtaine, trentaine, mais dans la Sunna, au total, l'institut, ils en ont compté plus de 125 000. Oui, 125 000 prophètes. Mais on sait que ça, c'est la science d'Allah. Il nous a donné, mais peut-être qu'il y en avait plus. Encore une fois, ce qu'on a comme science, c'est pas la science par excellence. Hein. C'est une partie de la science qu'Allah a voulu transmettre et divulguer. Qala, Allah a dit, wa kulla ummatin ba'atha Allahu ilayha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. On l'avait fait celui-là. On avait parlé du Tarout. Je pense qu'on avait fait celui-là, non? D'accord. Donc bah dans ce cas-là, je vais reprendre vu qu'il y avait voilà. وقال donc كل أمّة بعث الله إليها رسولا. Chaque prophète, chaque communauté, Allah leur a envoyé un prophète. D'accord? Depuis Nuh jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يأمرهم بعبادة الله وحده. Pourquoi il les a envoyés? Pour qu'il les ordonne, il leur ordonne d'adorer Allah seul. Donc les prophètes ont été envoyés pourquoi? Pour que les gens adorent Allah seul. Voilà. وينهاهم عن عبادة الطاغوت, et de leur interdire l'adoration du tarout. D'accord? Après, on verra la définition du tarout. Il va donner vite fait quelques exemples. On va pas trop s'approfondir parce qu'il y a plein de sujets là-dedans. Et le but, c'est pas de s'approfondir dedans parce qu'il y en a, ça peut être une source d'égarement. Il faut y aller étape par étape, doucement, doucement. Et ces mots seront un peu plus clairs en voyant les différentes définitions parce qu'il n'y en a pas une définition. Comme on voit dans les hadiths et dans ce truc, on voit qu'il y a plusieurs avis ou il y a plusieurs paroles. Ben là, c'est par où? Ben, je dirais pas pareil partout, mais c'est un peu le cas dans plein de sujets et dans plein de règles. Il n'y a pas un avis, à part dans les fondements où il y a unanimité. On va voir que quand il y a unanimité, la règle, c'est qu'on ne peut pas revenir sur ce ijma et ainsi de suite. Bref. Et la preuve, dans ce verset, c'est le dalil qawluhu ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل سورة les abeilles où Allah dit et certes nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète avec comme ordre اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc on voit bien que ce que j'essaie de mettre en évidence à chaque fois par rapport aux livres des gens de science, contrairement aux ignorants d'aujourd'hui, c'est que des livres avec du développement, de l'argumentation, des positions, des hypothèses, des thèses, de ce que vous voulez. Mais faut les chercher, les versets, les hadiths. Hein. Vous pouvez tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages, ou même dans leur audio, ou si vous pouvez les chercher, les versets, les hadiths. Et après même les références de livres, les mashayikhs qui ont écrit, donné on va dire un peu d'historique aussi sur la science, sur les savants et comment elle s'est transmise. Mais par contre là on voit que c'est un peu le cas. La parole du cheikh c'est kulla ummatin, chaque communauté a été Allah a envoyé un prophète. Et ben on le trouve en fait finalement c'est construit différemment mais c'est dans le verset. Voilà, qad ba'athna fi kulli ummatin, et nous avons envoyé dans chaque communauté. D'accord? Ummatin rasoula, un prof, des prophètes. Avec quel ordre? Parce que la suite du hadith c'est quoi? De la parole du cheikh c'est donc il a envoyé depuis Nuh jusqu'à Muhammad avec l'ordre d'adorer Allah seul et de leur ordonner de s'écarter du tarout. Et c'est ce qu'on voit dans le verset. D'adorer Allah et de s'écarter du tarout. Bref. Din al-Rusul kullahum wahid wa huwa al-Islam. La religion des prophètes est unique. Et c'est l'islam. فكل رسول بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Donc فكل رسول, chaque prophète, بعثه الله, Allah l'a envoyé à son peuple, يدعوهم, pour les appeler à adorer Allah seul, sans associer ou sans lui donner d'associé. وينهاهم, et il a été aussi envoyé pour les interdire ou les leur interdire ou de, bien sûr de la part d'Allah l'adoration du tarout. ويدل لذلك ويدل لذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, سورة النحل verset 36, je crois. Ouais. Donc, je vous disais, ce verset, Yadullu, ce verset nous montre bien la preuve sur laquelle le cheikh a basé son argumentation, et que, finalement, ce verset nous montre que la religion des prophètes est une. Pourquoi Allah a dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté, un prophète. Donc chaque communauté qu'Allah a envoyé un prophète ou un envoyé, ils sont venus avec un message identique. C'est Ou'aboudullah, adorez Allah, écartez-vous du tarout. Et c'est de là qu'on tire que la religion des prophètes est unique et c'est l'islam. L'islam c'est la soumission, c'est pas une religion. Comme ils veulent nous la... Subhanallah, et aujourd'hui là, les orientalistes, les islamophobes, ou les occidentaux, les historiens dans les strict islam, ou les spécialistes de l'islam, je comprends pas ces termes en fait. Ça veut dire qu'ils sont en droit et à même de discuter des termes. Et en fait, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'embrouiller les gens avec des terminologies qui n'ont aucun fondement dans le shara. Et ce qui fait qu'on est perdu. Des gens, quand ils parlent d'islam, ils pensent que c'est la religion des Arabes. Tu vois? C'est ce qui est les Arabes, et ainsi de suite. Bref, et plein de, pareil pour certaines pratiques aussi. C'est l'islam. Au départ, on voyait pas, ou c'était pas clair que, ils attaquaient l'islam, parce qu'avant c'était soi-disant le terrorisme, c'était soi-disant, les attentats, l'extrémisme et je sais pas quoi. Mais maintenant, tout doucement, on voit très bien leur haine, comment ils la déversent, ils le disent clairement dans les plateaux télé, mais vous, les musulmans, fermez vos bouches. Vous avez ces pitres de spécialistes qui font office de comment on appelle ça, de maîtres conférenciers quelque part, c'est même pas des gens de science ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent la tête. En fait, c'est simple. Si tu veux passer dans les médias, faut que tu t'écrases et faut que tu sois soumis et docile. Sinon, c'est pas possible. C'est un faux débat. Donc, les vrais, les sujets qui vont peut-être un peu percuter ou qui seront percutants, c'est ce qu'on va trouver dans des médias libres, entre guillemets. Après, reste à savoir où faire attention, où est-ce qu'on va chercher ces termes. Mais tout ça, c'est fait pourquoi? Comme je dis, voilà, par rapport à l'islam, ils le disent clairement dernièrement, que ça soit l'autre Zemmour, ou même s'ils créent la polémique, et c'est volontaire et c'est voulu. Ok, peut-être. Mais, est-ce que les musulmans ils tombent dans le piège? Oui, ils tombent dans le piège. La preuve. Donc quand ils parlent ils le disent clairement. Non, c'est l'islam. Avant c'était, tu vois, subtil. Il y a certains parmi la gauche ou ils essayent d'être subtils, mais ils le disent maintenant clairement. Ils dégueulent normal. Non, le problème c'est l'islam. Non, le problème c'est la charia. Non, donc leur but c'était quoi? C'était de créer des situations pour provoquer ce champ de débat qui est créé depuis un moment, qui font intervenir des nouvelles personnes, des intellectuels soi-disant chiites, mais ils ne représentent pas l'islam. Nous, ceux qui représentent l'islam, ce sont des sommités, ce sont des autorités dans la science religieuse. C'est pas des gens parce qu'il a étudié l'islam à la fac ou je sais pas quoi, c'est du n'importe quoi, et c'est ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Les gens, la plupart qui parlent au nom de l'islam, c'est pas des gens qui ont des bagages religieux. Non, ils ont étudié l'islam comme on étudie la science, la biologie, comme la physique, comme les mathématiques, et ainsi de suite. C'est pas des savants et des trucs. Après, ils ont fait peut-être un petit cursus au CERCI ou à l'USH, ils sont ressortis avec un petit diplôme et ils croient que ça y est. Il faut arrêter un peu. Et le pire, c'est que ces gens-là, à la rigueur, bon, ils ont eu ce parcours, mais voilà, ils essaient d'être un peu honnêtes et intègres, et ainsi de suite. Ok, mais quand tu vas écouter leur récit, ou ainsi de suite, tu vas te rendre compte qu'ils sont en train de détruire tout le patrimoine scientifique, religieux, islamique. C'est que là, en fait, on a des gens, on a des moujettes didines, en fait, on appelle ça. Des moujettes didines, c'est-à-dire ceux qui sont en train de revivifier l'islam, bien sûr à la sauce du 21e siècle, et bien sûr sous l'ordre de l'islam de France, encore une fois. Bon, même si c'est après chaque pays a sa vision et son approche de l'islam, on voit très bien que malgré tout, le monde entier, de façon, que ça soit même dans les pays arabes, hein, c'est pas mieux, c'est très subtil, c'est beaucoup plus perfide et lâche, mais voilà, ils y vont. Par contre, dans ces pays-là, maintenant, ils se lâchent plus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette phase du choc des cultures et des civilisations. On le voit très bien. Comment ça se fait qu'au même moment, juste après, soi-disant, on dirait, subhanallah, franchement, la télé et tout ça, c'est un outil d'abrutissement de masse, d'accord ? Et de propagande et d'endoctrinement. Comment ça se fait que juste après, bon, désolé, on va revenir rapidement sur le sujet, mais... Comment ça se fait qu'après, on voit une personne, une catholique, je sais pas quoi, elle a été refusée dans une maison de repos. On n'a pas en train de... Subhanallah, on est vraiment des abrutis. Ils sont en train de nous amener tout doucement, on va dire, à ce choc-là. D'accord ? Donc maintenant, comment ça rentre l'islam ? Bientôt, bon, le judaïsme, depuis longtemps, c'est un bon produit, c'est un bon produit qui permet d'allumer très vite le feu. Tu vois ? Maintenant, il fallait rentrer en scène les deux autres religions, qui est l'islam et le christianisme, parce que c'est ce qui va se passer. Comment se fait-il, encore une fois, qu'on a un système, même dans le monde, il y a des gens qui commencent à se poser des questions, des gens un peu sensés, qui comprennent que, bon, nous investir avec ce système, mais finalement, on se rend compte qu'on nous prend pour des... Voilà, et que finalement, c'est de plus en plus dur. Par contre, les autres s'enrichissent de plus en plus, à un moment donné, ils arrêtent. Et c'est les gens qui sont un peu cultivés et informés, qui maintenant, ils sont dans les rues, et même dans toutes les classes sociales, dans tous les domaines, il y a des révolutions. Mais non, les musulmans, ils ont été manifestés pour la laïcité, hein. Donc, il y en a qui vont dans un sens, c'est-à-dire qu'ils tirent le frein à main, il y en a d'autres, ils ont lâché le frein à main, ils sont en train de descendre à fond. Mouhim. Bref, en tous les cas, tout ça pour dire que, malheureusement, je reviens au sujet, le point de départ, c'est qu'on donne des appellations comme islam, et ainsi de suite, christianisme, judaïsme, pour créer des différences, et ainsi de suite, alors qu'à la base, tous les prophètes n'étaient envoyés qu'avec un et seul même message. Adorez Dieu et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de Dieu. En dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فذكر الله في هذه الآيات أول الرسول. Donc on avait vu ça. فهذا يدل على أن الدعوة الرسل واحدة. Donc ça indique que le prêche des prophètes est un. Tu suis ? Ça ? ودينهم واحد. Et leur religion est unique. هو إسلام الإسلام. C'est l'islam. لكن شعائر وكيفية العبادات تتنوع وتختلف وهناك عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه الشريعة فهي مشتركة كالصلاة والزكاة والصيام بل والحج كما دلت على ذلك النصوص. On va s'arrêter là parce que je pense qu'il y en a, ils sont en train de décrocher. Ils sont en train de planer. Hein? Je sens qu'il y en a qui sont, ils ont plus les pieds sur terre là. Je vais finir sur ça, inchallah. Donc, فَهَذَا الدَّلِيلِ Donc, ce verset montre que la voix des prophètes, ou du moins le message des prophètes est un. Leur religion est une, et c'est l'islam. Par contre, la législation et la manière dont les adorations ont été transmises à travers ces différentes législations divergent, ou n'étaient pas les mêmes, n'étaient pas identiques. وَهُنَاكَ عِبَادَاتْ فِي الشَّرَاعِعِ الْمَاضِيَ Et par contre, on a des législations des anciennes religions qui existent dans la sharia aujourd'hui. Par exemple, là, comment s'appelle, par exemple, subhanallah, l'usure, l'intérêt, le riba. Vous savez que ça existe partout. Les chrétiens, ils sont contre, à la fin. Les nazariens, parce que le mot chrétien, c'est même pas le mot juste. Mais je vais pas vous embrouiller, je préfère rester avec les termes et le truc. Donc, les chrétiens, aussi, ils refusent. Les juifs, les vrais juifs, aussi, ils refusent. Ils disent que c'est pas bon. Nous, on l'a aussi dans l'islam. Donc, il y a des choses qui sont communes. Pareil pour la prière. On a tous notre prière. Maintenant, elle diverge, elle est différente en fonction des civilisations et des prophètes et des peuples auxquels elles ont été envoyées. Le jeûne, pareil, le jeûne, tout le monde jeûne. Maintenant, c'est différent. Et le hajj aussi. Le hajj, par contre, c'est un peu compliqué parce que c'était sous l'ancienne religion d'Ibrahim, alayhi salam. Mais après, en fait, les chrétiens ou le judaïsme, le christianisme, celui qui a été façonné et modifié, voilà. Ça a changé. كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ النُّصُوصِ Comme il a été rapporté donc dans les nusus. C'est-à-dire que tout ça, on a des preuves du Coran. C'est-à-dire que Allah, il parle que, il dit que, je vais voir s'il y a un lien avec la suite derrière. Donc non, en fait, de toute façon, on a des preuves et c'est possible qu'on le voit sur des prochains chapitres. Barakallahu fikum. Jazakumallahu khair. On va s'arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم عليك بهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بمن يعذبونهم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير pour votre présence et votre patience. J'espère que ça a été profitable. Désolé si je me suis mal exprimé ou si je me suis trompé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger et me faire la remarque. Et voilà, Inch'Allah, je vous dis à mercredi prochain, bi'idnillahu ta'ala. Jeudi prochain, non, mercredi, c'est un autre groupe, je suis désolé. Oui, Inch'Allah, jeudi prochain. Et bi'idnillah, je pense qu'on va commencer le livre sur La ilaha illa ant. Sifat salat al-Nabi. La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ça va être sur le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Vous l'avez, mais de l'imam Al-Albani, le Cheikh Al-Albani, vous l'avez, il existe, mais c'est pas cette version-là. Donc je pense qu'on sera pas trop loin, mais je vais commencer à le préparer, Inch'Allah. Et Après, on verra aussi, on va préparer tafsir de Surat al-Fatiha aussi, pour que ça soit profitable aux autres. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.